Dès ce studio, on marche. Besoin d'aide pour organiser un événement clé en main ou sur mesure? DSP Studio est là pour vous. Dynamique et proactif, DSP Studio reste constamment informé des dernières tendances pour vous proposer des activités de lieu et des services parfaitement adaptés à vos exigences. Nos services en promotion, prise de vue drone sous réserve des météos favorables et accord du lieu de réception. Reportage en 4K ultra haute définition avec plus de 5 caméras professionnelles gamme Sony, pilotage automatique. Projection de l'événement en direct sur plusieurs écrans dans le lieu de réception. Machine à fumée lourde et feu d'artifice pour ouverture de bal. Machine 360 degrés rotation automatique pour prise de photos. À prévoir un espace de 3 mètres carrés dans le lieu de réception. Création des livres photos professionnels et impression de photos tout format. Gâteau de mariage dans un chariot piloté automatiquement accompagné de fumée lourde. Ouverture de champagne avec un sabre et feu d'artifice. Service d'accueil et protocole avec de filles élégantes et des garçons élégants. Location salle de fête, voiture de mariage, DJ professionnel, service traiteur pour toutes les cultures. Plateau télévision pour vos émissions en direct au studio, studio d'enregistrement et mastering pour tous les musiciens. Live, guitare classique pour vos mariages en mode européen. Pour toute information, veuillez nous contacter au 00 33 6 29 87 98 40 ou envoyez-nous un mail à stevemalungeni@gmail.com. Vous satisfaire, c'est notre priorité. DSP Studio, en marche, en marche, en marche, en marche.